pas intéresser, on va pas les obliger. Hein? C'est comme la pluie. Ça s'enlève, ça s'arrache, et c'est ça le savoir. Donc celui qui n'est pas intéressé, je le supplie de sortir. Je n'aime pas comme on te recoupe et je n'aime pas le bruit. Je suis très gentil, je suis très gay, je suis très truc, je suis adorable, sauf. Oui, je suis très adorable. Sauf, je n'aime pas qu'on m'interrompe dans mon sens, parce que je n'aime pas le bruit. Et je n'obligerai personne à assister. Celui qui n'est pas intéressé, qui veut partir, marhaba. Il ne veut pas apprendre, ce n'est pas mon problème. Alors, on va commencer la luxation, c'est-à-dire dans les traumatismes. Bon, on va s'en passer un peu des traumatismes qui sont banaux, mais la plus fréquente, la plus importante, la plus longue, c'est la luxation. Quand on parle de luxation, on va faire la luxation aiguë. C'est-à-dire, pas la récidivance, on rentre dans la chronicité qui est une complication. Alors, dans l'introduction, d'abord la définition. On va voir la définition d'une luxation. C'est quoi une luxation? De chaque articulation, une luxation, c'est quoi? C'est la perte permanente de contact entre les deux surfaces articulaires. C'est-à-dire, pour qu'il y aura une articulation, il faut au moins deux surfaces articulaires. Et pour que l'articulation soit bonne, il faut que les deux surfaces articulaires soient de bonne qualité. Ça, c'est clair. Alors, l'épaule, elle a une particularité. Elle est la plus fréquente. Donc, elle est caractérisée par sa fréquence. Pourquoi elle est fréquente? C'est dans son cadre anatomique. On va le revoir. C'est-à-dire, elle n'est pas fréquente par hasard. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, pourquoi la hanche ne se luxe pas par rapport à l'épaule? L'épaule, elle a une particularité anatomique. Deuxième élément, c'est une des plus fréquentes et elle devient encore de plus en plus fréquente parce que c'est une pathologie. Et quand on parle de luxation aiguë, c'est-à-dire ça sous-entend les luxations qui ne sont pas pathologiques. C'est-à-dire du traumatique parce que c'est des luxations qui touchent le sujet jeune. D'accord. Parce que actuellement, ce qu'on veut, on ne voyait pas avant des luxations chez les sujets âgés, mais de plus en plus, on commence à les voir. Mais c'est des luxations qui sont pathologiques, qui sont dues à une lésion de la coiffe des rotateurs. C'est-à-dire, c'est une luxation sur un truc dégénératif. Et pourquoi la coiffe des rotateurs? On va voir dans la stabilité de l'épaule, comment l'épaule elle est stabilisée. Parce qu'elle n'est pas par hasard qu'elle est fréquente. Allez, elle touche le sujet jeune. Et elle a augmenté, bien sûr, c'est une pathologie qu'on voit de plus en plus chez les jeunes. Et on la voit de plus en plus. Pourquoi? Parce que les activités sportives sont de plus en plus importantes chez, dans toutes les populations. C'est-à-dire qu'on a des sédentaires. À 50 ans, on est avec une canne, on est vieux, voilà. Et maintenant, jeune, il y a le volley, le tennis et tout. Donc, c'est une pathologie. Et maintenant, on commence à regrouper aussi les pathologies qu'on appelle les lésions chez les sportifs. Et elles rentrent dans le cadre aussi des lésions chez les sportifs. C'est une urgence thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'une articulation qui va être en dehors des deux surfaces, si on la laisse, elle va encore poser d'autres problèmes de réduction et aussi de lésions, et elle va causer d'autres lésions. Donc c'est une urgence parce qu'on la laisse, elle peut comprimer, parce qu'elle est là, peut comprimer tout ce qui est vasculaire, tout ce qui est nerveux. Et cinquième élément, c'est le pronostic. Le pronostic, il dépend de beaucoup d'éléments, c'est surtout l'évolution qui est marqué par une complication qui reste encore redoutable, qui est la récidive. Et cette récidive, elle dépend aussi de beaucoup de facteurs. C'est-à-dire, elle dépend d'abord de l'âge. Plus l'âge est jeune, plus les récidives sont fréquentes. Et des lésions qu'on va voir qu'elle va causer cette luxation. Parce qu'il y a des éléments péjoratifs. C'est-à-dire, quand on sort une articulation, quand on sort des trucs, elle peut créer des dégâts. C'est ce qu'on appelle les éléments de passage. Et quand elle rentre, elle peut causer des dégâts. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand elle va sortir, en fonction de l'importance du traumatisme, elle peut casser, elle peut déchirer, elle peut léser ce qu'elle veut. Et si on est maladroit et on réduit d'une façon brutale les trucs, on peut on la fait rentrer de force, elle va causer d'autres problèmes. Et tous ces éléments qu'on va voir vont dépendre, sont des facteurs ajoutés au pronostic de cette luxation. C'est bon ? Voilà, on a résumé un peu. Alors, sur le plan anatomique, je vais directement au schéma. Sur le plan anatomique, parce que ce qui est écrit, je vais l'expliquer. Et vous, je vous laisse le diapo. Alors, sur le plan anatomique, on a dit qu'elle est une luxation qui est très fréquente. C'est-à-dire que c'est la luxation qui est fréquente. Donc, sur le plan anatomique, pourquoi elle est fréquente ? Alors, déjà, le premier facteur de sa fréquence, il est osseux. C'est-à-dire, il n'y a pas ce qu'on appelle la stabilité primaire. Il n'y a pas d'emboîtement. Alors, on a une grosse tête humérale en face d'une glaire qui est plate et oblique. C'est-à-dire, si on prend une tête et on la met là, elle va glisser. Il n'y a pas d'emboîtement. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce qui retient, qui peut retenir cette épaule, il n'y a que les éléments actifs et passifs. Alors, les éléments passifs, toute articulation est recouverte par quoi ? Par une capsule. Alors, on a une capsule. Bon, donc, tout ce que vous voyez en bleu, c'est ce qui est passif. C'est-à-dire, on a fait une discectomie pour voir tout ce qui est dedans et la capsule ouverte. Donc, on a une capsule. On a des ligaments qui sont très importants. Bien sûr, il y a aussi un élément fibrocartilagineux comme le ménisque, qu'on appelle le bourré. Il va augmenter un peu la surface de la glaire. Et troisième élément, c'est important, ce sont les ligaments gléno-huméraux. D'accord ? Ils sont à trois, bien sûr, supérieur, moyen et inférieur. Ces ligaments, vous voyez, ils sont en bleu, ils sont accolés complètement à la capsule. Donc, quand il y a des lésions, des déchirures, automatiquement, il y a au moins une lésion. Pourquoi ? Parce que cette tête, elle a tendance pas à se luxer comme ça, elle a tendance plus souvent à se luxer comme ça parce qu'il n'y a pas de bleu. Donc, elle déchire surtout le ligament gléno-huméral inférieur. Bien sûr, il existe tous les types de luxation, que ce soit antérieur, inférieur, supérieur et postérieur, mais moins fréquent. 96% des luxations surviennent en antérieur, donc dans cette zone de faiblesse. Alors, qu'est-ce qui soutient encore la tête, c'est-à-dire ce qui fait que la tête reste en face de la graine? Donc, il y a aussi des éléments actifs qui sont très importants. Et quand ils vieillissent, c'est comme ça parce que nous, dans les années 80, quand on voyait une luxation chez un bonhomme de 40 ans, on se dit, oh là là, on voit une luxation à 40 ans. On commençait à publier à l'époque, luxation chez un sujet de 40-45 ans. Maintenant, on a 90 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'activité qui a augmenté chez les sujets. Donc, les vieux, il y en a 60 ans, donc il a fait football. Il n'est plus avec sa canne. Hein. À 70 ans, il fait tout ce que vous voulez. Alors, il y a tous ces éléments actifs qui maintiennent, qui emboîtent l'extrémité supérieure de cette articulation qu'on appelle l'articulation gléno-humérale. Quels sont ces éléments actifs? Ce sont les muscles de la coiffe des rotateurs. Alors, ils sont au nombre de 4. Et on ajoute un qui est cinquième, quand il n'a pas de possibilité de truc, mais il fait partie parce qu'il est en intra-articulaire. Alors, on a suscapulaire, il est rotateur, on a dit coiffe, il est rotateur interne ou externe? Interne. Le subscapulaire, il est externe. D'accord, le rotateur externe, c'est le seul qui est rotateur externe. Les autres sont des rotateurs interne, le supraépineux ou le susépineux, ou le supranatus maintenant, hein, sous-épineux, petit rang, et on a la longue portion du biceps. Alors, tous ces éléments, leur rôle, d'abord ils sont rotateurs, et ils sont stabilisateurs. Le plus important, c'est les sous-épineux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, il maintient la tête et il plaque la tête. Voilà l'intérêt du cystétinus. Donc, vous voyez que quand il y a une lésion avec dégénérative ou une lésion de la coiffe, la tête a tendance, parce qu'elle est suspendue, à remonter et dans les lésions de la coiffe, bien sûr, le signe d'impingement. Donc, vous voyez, tous ces éléments font partie de la stabilité et de là, quelle est la plus fréquente? D'abord, un deuxième élément de cerveau, parce qu'elle a une tête plus grosse que la glaire, elle est stabilisée que par des moyens actifs et passifs, et c'est une articulation qui est la plus mobile. C'est-à-dire, on peut faire des mouvements dessus. Voilà, tous ces éléments sont un facteur de cette instabilité. Est-ce que vous avez compris? Allez, on y va. Alors, ces luxations, donc elles sont fréquentes. Donc, les antérieures sont les plus fréquentes par rapport aux autres. Dans les formes antérieures, il y a aussi les formes intermédiaires qu'on appelle la forme inférieure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle se luxe et elle reste là, et le membre, donc l'inférieur, vous la diagnostiquez de dehors, c'est-à-dire parce que le patient, sa tête, elle est là, il vient, ce qu'on appelle, on salue le Hitler, ah, Hitler, il vient comme ça, oui, parce qu'elle est bloquée. Le reste, on va voir, dans toutes les formes antérieures, quelle est la plus fréquente. Bon, la postérieure, le plus souvent, elle passe inaperçue. Pourquoi? Parce qu'on la sous-estime. On dit que la tête, elle passe tout le temps en antérieur. Et en postérieur, on se dit, bon, on voit des cas et trucs. Mais le plus souvent, il passe inaperçu. Parce que quand la tête est en arrière, il faut toujours un profil. Parce que sur une face, la tête est en arrière, elle est en face de la glaire. C'est-à-dire, si on ne fait pas attention... Et le membre est presque dans une attitude normale. Donc, si on ne fait pas attention, elle passe inaperçue. Et on la diagnostique au bout de 3 ou 4 semaines, des fois 2 semaines, quand le malade, il a toujours mal, il a un mouvement qui est limité, donc une raideur, il vient consulter, et là, et on a un cas au service. Parce que le traitement va différer quand ils sont invétérés. Quand on ne les réduit pas en urgence, ils posent d'autres problèmes. Et là, on discute qu'est-ce qu'on va lui faire. Voilà. Alors, donc, ce qu'on va voir et on va discuter, donc on va prendre la forme la plus fréquente, c'est la forme antérieure, et dans les formes antérieures, c'est surtout l'antéro-interne qui est fréquente. Pourquoi? Parce que dans les antérieures, l'antéro-interne, elle est la plus fréquente. C'est-à-dire, elle représente presque la majorité, 96 à 98% sont des cas. Alors, cette lésion, donc le plus souvent, parce que quand il y a, parce qu'on ne va pas discuter les luxations ou les instabilités en rentrant dans un cadre de polytraumatisme. C'est-à-dire, on peut avoir des luxations quand il y a un polytraumatisme. Quand on a un polytraumatisme, automatiquement, c'est des lésions qu'on les classe maintenant dans les deux grands groupes de traumatologie maintenant, parce qu'on ne parle plus de traumatologie comme ça ou comme ça, on parle de traumatologie à faible énergie, à haute énergie. Ça, c'est la classification moderne et internationale. Alors, quand on parle de polytraumatisme, c'est-à-dire que c'est des lésions à haute énergie. Et quand il y a des lésions à haute énergie, donc automatiquement, c'est une force importante. Et le plus souvent, quand on a des luxations, il rentre dans un autre cadre. Quand on a une impaction importante, il rentre dans un syndrome qu'on appelle le syndrome d'impaction de l'épaule. C'est-à-dire qu'elle n'est plus isolée, où le pronostic vital est mis en jeu. Et quand il y a une impaction de l'épaule, même si l'épaule se luxe, il y a des fractures, il y a des lésions de côte, il y a des lésions de pulmonaires, il y a des lésions vasculaires. C'est un autre problème. C'est-à-dire que nous, on va discuter que des luxations qui surviennent chez un sujet normal, sur un traumatisme banal. D'accord? C'est-à-dire où la fréquence est là. Ça, c'est le premier point. Alors, avant de commencer ce chapitre, qui est très important, qui est passionnant, parce que moi, je suis passionné un peu par l'épaule, je l'aime, oui, je l'aime et je communique. Je communique beaucoup sur l'épaule. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie où, mais jusqu'à présent, parce que ne vous disiez pas, parce que quand on parle de l'épaule, et même dans les complications, dans les instabilités chroniques, il n'y a que deux interventions qui se font. Actuellement, il y a ce qu'on appelle le buté par l'os, il y a les réinsertions capsulaires, le bancal. Alors, le latargé, la butère a été décrite en 1958, alors que le bancal, les réinsertions, en 1938. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu encore améliorer que les techniques. C'est-à-dire pour essayer encore de trucs. Mais c'est toujours adapté. Voilà. Et donc j'ai amélioré une technique que je vais présenter le 13 juin à Orbe. Non, c'est vrai, non. C'est passionnant. Parce que quand on a de l'expérience, et on voit. Mais nous on discute sur à peu près cette lésion qui est fréquente. Et quand on parle de fréquence, et quand on parle de sujets jeunes, et quand on parle actuellement, en dehors des lésions qu'on va voir qui peuvent être associées, il n'y a que l'âge qui est un des facteurs majeurs de la récidive. Plus la luxation survient sur un sujet jeune, plus les récidives sont fréquentes. Ça, c'est toutes les études, même américaines. Alors, première des choses, parce que quand on a une première luxation, avant de discuter le mécanisme, et on va comprendre et vous allez comprendre. Première des choses, parce que quand on parle de fréquence, il y a une fréquence. J'ai dit qu'au départ, enlevant tout ce qui est pathologique, c'est-à-dire c'est les sujets jeunes. Mais même si le sujet jeune, qui n'est pas malade, il y a aussi des luxations. C'est pour ça qu'il y a une fréquence d'abord. Il y a la constitution anatomique. Il y a un deuxième facteur qu'il faut en tenir compte quand vous avez la première luxation qu'il faut demander. Et l'interrogatoire est capital. C'est quoi? Alors, on a dit que la stabilité, elle est que musculo-ligamentaire et capsulaire. Alors, il y a des médicaments qui peuvent jouer. C'est-à-dire, et d'abord, la fréquence des luxations, on les trouve beaucoup plus, surtout chez les épileptiques, quand ils font une première fois, ils font leur luxation. Alors, donc, il faut un interrogatoire, avoir le premier élément, avant tout traitement, voilà, les prises de neuroleptiques, c'est-à-dire des mieux relaxants. Parce que tous les malades qu'ils ont, ils ont déjà un potentiel musculaire et truc qui est faible. Ça, c'est le premier point. Deuxième, parce que ça fait partie du traitement. Deuxième élément à l'interrogatoire, c'est quoi? Oui, quels sont les antécédents? Donc, vous allez rechercher. Non? Chez nous, non, tout le monde qui est là, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des instabilités constitutionnelles. Hein? C'est-à-dire, et comment on va savoir si le malade a une instabilité constitutionnelle, c'est en l'examinant. Alors, il y a des gens qui viennent, ils ont leur pouce qui peuvent le mettre ici. Ils ont des genoux valgants. Donc, et c'est surtout les acrobates là que vous voyez à la télévision qui ont des écarts importants. Ça, c'est des gens qui ont des instabilités constitutionnelles. Alors, quand il y a une instabilité constitutionnelle, ça veut dire que toutes les articulations vont au-delà du secteur de mobilité qui est naturel. Et là, donc, ça favorise un peu. Et ça, c'est dans le traitement. Parce qu'il y a des gens maintenant, parce que traiter, réduire une luxation, elle risque de se luxer. Pourquoi? Parce qu'il y a une instabilité. Traiter chirurgicalement, elle risque de faire encore une récidive, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que maintenant, quand on traite quelqu'un qui a une... Parce que des fois, il est gêné. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des instabilités, fait comme ça, ça sort, il fait comme ça, il la revient, et ça devient une chronicité gênante. Pardon. Et au fur et à mesure qu'il y a des luxations, des lésions cartilagineuses, et puis c'est l'arthrose, et donc il faut leur faire quelque chose. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des modifications où les gens modifient, surtout pour éviter tous ces problèmes qu'il y a. Donc, vous voyez que l'examen clinique est toujours capital. Alors, ces luxations, vous voyez, donc, dont le mécanisme est le plus souvent indirect, parce qu'on enlève tout ce qui est à haute énergie pour ne pas rentrer dans un cadre un peu particulier des syndromes d'impaction de l'épaule, où le problème est beaucoup plus de réanimation que de fonctionnel. Alors, le mécanisme, donc, il est indirect. Le plus souvent, c'est des chutes banales. Donc, le membre, il doit être dans ce mouvement. Donc, c'est ce qu'on appelle abduction, rotation externe. Ou ce qu'on appelle en signe d'appréhension. Parce qu'on appréhende à faire quelque chose. D'accord? Donc, c'est une abduction, rotation externe, le plus souvent indirect, chute sur la... Alors, donc, c'est un malade qui vient consulter. Comment il va consulter? Il va consulter aux urgences le plus souvent en attitude d'un membre, de traumatisé du membre supérieur. C'est quoi? Comment? Signe du traumatisé du membre supérieur. C'est le membre 5 qui tient le membre ligier. Bon, en le voyant déjà de là, là vous vous disiez, ah, il a un problème au niveau du membre supérieur. Et maintenant, bon, l'impotence fonctionnelle, et on va avoir des déformations. Impotence fonctionnelle, ça veut dire qu'elle est relative. Parce que quand on réduit, il ne sera pas en impotence. Hein? Voilà. Alors, j'ai schématisé comme ça les différents signes. Alors, vous avez la tête qui va être palpée en avant. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'abord? Il va y avoir un comblement ici. Et quand la tête elle est là, on va voir un schéma. Voilà. Donc, en schéma, vous voyez le comblement. Quand on voit le profil, elle est élargie. Voilà. À peu près ça, c'est la tête. Donc, elle est élargie par rapport. Donc, il y a un effacement, bien sûr, du sillon delto-pectoral. Alors, on aura. Deuxième élément qu'on a, l'acromion qui va, parce qu'il y a une vacuité de la graine. L'acromion qui va faire saillir, on le voit comme ça, et c'est ce qu'on appelle le signe de coup de hache. On dirait qu'il y a une hache. Comme on est spécialiste, les Algériens, dans les coups de hache, on est tous. C'est vrai, hein? On est les champions. Alors, donc vous voyez. Et le membre, voilà une attitude qui est importante, le membre, il est en abduction irréductible, c'est-à-dire elle ne se réduit pas, il reste bloqué dans cette position. Alors, et bien sûr, un vide sous-acromien. Ça, c'est des éléments, c'est surtout le comblement et le signe de l'épaulade, c'est-à-dire coup de hache externe, et l'irréductibilité de l'abduction. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais, quand on a une luxation, on va diagnostiquer comme ça. Il ne faut pas qu'on se contente de l'examen clinique et de la radio. Il faut qu'on complète notre examen clinique. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Parce que cette tête, quand elle va sortir de la graine, elle peut d'abord léser des éléments nobles. Parce que ça ne nous intéresse pas d'abord. Mais on va traiter quelqu'un, on va l'amputer ou là il va mourir. Donc, on va vers tous les éléments nobles. Là, ça ne met pas le pronostic vital, c'est un pronostic fonctionnel. Donc, on va rechercher ce qui est encore vital. Quand elle sort la tête, elle peut léser les éléments. Et donc, elle peut léser le plexus brachial, parce qu'il est là. D'accord? Et ce plexus brachial, le nerf le plus atteint qui va être touché parce qu'il chemine au niveau du trochant, hein? Non, c'est le nerf circonflexe, ce qu'on appelle le nerf circonflexe ou le nerf axillaire. Maintenant, il y a des terminologies anglo-saxon francophones, mais un très arabophone. كل نسوان في كل شهر كل واحد يفهم متى سون باكي لا يسعى او اليوم نعيطوا لنا اكسيدان ويجي هذوك هذوك الناس في كونفلاكس ياسيس دونك سا سي دي تيرمينولوجي اون اريف اون لا باس اون اي كوم لي فرونسي سون ديفوني ان بو فاب ديفون les Américains et les anglophones, donc ils acceptent tout ce qui est anglophone et on perd tout ce qui est francophone. Alors, donc, premier élément, donc, il faut rechercher ces complications. Alors, les complications, elles sont d'ordre vasculaire, d'ordre neurologique, d'ordre musculaire et tendineux et osseux. Donc, elle peut avoir des dégâts. Donc, elle peut toucher des nerfs, surtout le plexus brachial. Et le nerf le plus atteint, c'est le nerf axillaire ou circonflexe. Alors, comment on va le tester sur le plan clinique? Parce qu'il a une innervation plus particulière et superficielle. Donc, on peut, parce qu'il a une sensibilité au niveau d'un muscle qui est le deltoïde. Donc, on va tester d'abord la sensibilité comparative par rapport à deux épaules. Est-ce qu'ils sont, ils ne sont pas? Parce que ça dépend aussi du pronostic par la suite. Ça, c'est bon. Donc, vasculaire, c'est surtout les artères. C'est exceptionnel, moins fréquent que les lésions vasculaires. On peut avoir des lésions musculaires, puisqu'on a dit que la coiffe, elle est là, elle est stabilisatrice, donc lors de la, elle peut, on peut avoir des lésions de la coiffe. Oui. Elle peut avoir, non, un ou deux maximum, pas tout, parce que pas iconoto, il faut, mais le plus superficiel, c'est le susépineux, et qui est le plus stabilisateur. Susépineux, supra-suprinatis. Voilà. Alors, c'est très important parce que, au début, parce que quand il y a une urgence, on va réduire, c'est difficile de mettre en évidence une lésion de la coiffe. Voilà. Mais il faut y penser quand la douleur persiste, quand la mobilité va être douloureuse, et donc là, on va demander une échographie ou une IRM, et alors, des fois, on trouve une lésion importante parce qu'elle va conditionner le pronostic secondaire, c'est-à-dire les risques de complications par récidive. Parce qu'elle va être un des deux facteurs avec l'âge, facteur musculaire, et on va voir, il y en a aussi osseuses qui sont plus importantes. On va voir, parce qu'on a dit musculaire, tendineuse, vasculaire, et surtout osseuse. Et surtout osseuse. Je reviens. Alors, surtout osseuse. Parce que la tête, quand elle va sortir, elle peut se casser et elle peut casser. On peut avoir des lésions de la tête, ce qu'on appelle des encoches. C'est des lésions de Hilchas, c'est-à-dire, en sortant, elle va casser. C'est-à-dire, en sortant contre le rebord de la graine, elle va se casser. Et quand on va faire des radiographies, on va voir le plus important, parce que la luxation va être facilement diagnostiquée, c'est de rechercher ces éléments. Pourquoi? Parce que quand il y a ces éléments, quand on réduit, ils vont être un des facteurs de récidive. Pourquoi? Parce que quand on fait comme l'épaule, je l'ai dit, au début, que c'est une articulation, les mouvements sont très importants. On peut faire n'importe quel mouvement avec l'épaule. Et quand il y a une encoche, en faisant des mouvements, l'encoche, elle va buter contre la graine et elle va la luxer. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut, quand il y a une lésion importante, parce que maintenant, bien sûr, on va voir dans les traitements chirurgicaux comme ça, c'est-à-dire tout dépendra parce qu'on est obligé, quand il y a une lésion à la radiographie, on est obligé de faire une TDM, un scanner. Pourquoi ? Pour quantifier l'importance de la lésion. Plus la lésion est importante, c'est-à-dire si elle dépasse les 40%, on est obligé d'aller traiter chirurgicalement et de greffer et de combler, sinon la récidive va être permanente. Ça, c'est le premier point. Et en sortant, donc elle peut se casser, elle peut faire une lésion, une encoche de la tête. Et en sortant, elle peut elle-même casser. Elle fait une fracture de la graine. C'est-à-dire en sortant, elle casse la graine. Et si on ne va pas traiter chirurgicalement, ben ça va, puisque déjà, anatomiquement, elle est incontinente, elle devient de plus en plus incontinente. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, si le fragment est important, on est obligé d'aller faire ce qu'on fait chirurgicalement dans les luxations récidivantes. Parce que dans les luxations récidivantes, puisqu'elle va sortir ici la tête, nous, on va ramener de l'os de la cranio et on va faire une butée là. C'est-à-dire on va lui empêcher de sortir. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, c'est pas aussi facile que je te le dis, mais c'est le principe. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, vous voyez, donc, on va chercher ce qui est neurologique, parce que ça conditionne le pronostic. On va chercher ce qui est vasculaire, parce que le pronostic vital, parce que s'il y a une lésion vasculaire, il faut y aller chirurgicalement, il n'y a pas d'autre solution. Il faut y aller réparer d'abord l'artère que de réduire ton, hein, ça devient après... parce que dans les lésions vasculaires, c'est ça ce qui est très important dans les lésions vasculaires. Les lésions vasculaires, il faut être attentif. C'est-à-dire, parce que quand le malade il vient en phase de luxation, vous palpez, il n'y a pas de pouls. Premier geste à faire, c'est quoi? Hein? Non. Premier geste à faire, c'est de réduire rapidement en urgence, parce que c'est pour ça qu'on parle d'urgence. Parce que ça peut être une petite compression. D'accord? Ça, c'est le premier geste. C'est une urgence, il faut réduire. Vous repalpez. Si le pouls réapparaît, ça veut dire que c'est une compression. Si le pouls est absent... Là, le problème. C'est les lésions. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Non. Pas chirurgicalement. Hein? Voilà, parce que maintenant, on est moderne. C'est-à-dire, le Doppler, non, l'éco-Doppler, moi, l'éco-Doppler, non. Parce que l'éco-Doppler, il va vous induire en erreur. Parce que l'éco-Doppler, s'il n'y a pas une compétence dans l'éco-Doppler, c'est la catastrophe. Parce que l'éco-Doppler, le problème de l'éco-Doppler, il faut d'abord, pour qu'on puisse dire qu'il y a une lésion vasculaire à l'éco-Doppler, il faut qu'il soit bilatéral. D'accord? Si vous demandez l'éco-Doppler, dans cette lésion, il faut vous préciser bien à celui qui va faire l'éco-Doppler de ne pas faire l'éco-Doppler pour la continuité, c'est-à-dire le passage. De lui demander de nous prendre les pressions de façon bilatérale. Pourquoi? Parce que dans toutes les lésions, comme ça, quand il y a le traumatisme à faible énergie, les lésions ne sont pas des lésions directes, c'est-à-dire une section directe. Il y a ce qu'on appelle des lésions qui sont très importantes, qui sont plus graves. Et quand on voit, on répare chaque fois, et secondairement, il y a des malades qui meurent chez eux. C'est ce qu'on appelle les lésions sous-adventitiaires. Parce que dans les lésions sous-adventitiaires, vous savez que l'artère, elle a trois couches. Sous-adventitiaires, il y a une continuité. C'est-à-dire, s'il fait un Doppler, qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va dire passage. Oui, dans les sous-adventitiaires, il y a un passage. Mais passage d'une façon très longue. C'est-à-dire, s'il ne prend pas la pression par rapport à l'autre, non? Et puis, ça fait un anévrisme, et puis ça se rend secondairement. Et c'est encore plus grave parce que les gens vont partir chez eux. Voilà. Donc le Doppler, moi, maintenant il y a l'angioscan. Bon, le Doppler, si on veut, mais il faut préciser la pression, si on veut dans le cadre de l'urgence. Si on n'a pas de possibilité pour faire l'angioscan, et là, il faut y aller chirurgicalement. Mais il te donne la pression, c'est ça ce qui est très important dans le Doppler. S'il te donne passage, il y a passage. Dans les sous-adventitiaires qui sont les plus fréquentes, il y a un passage, mais un passage très long. par rapport au contrôle où la pression est importante. Il te donne la pression, ça veut dire qu'il y a un ralentissement de la pression, ça veut dire qu'il y a une lésion, le plus souvent, elle est sous adventicielle. Voilà. Alors, donc de là, donc on a vu ce qui est vasculaire, névrotendineux, musculaire, osseux. Donc tous ces éléments, plus ils sont fréquents, c'est-à-dire plus il y a une lésion de la tête, une lésion de la graine, ou une lésion de nerveuse, ouais. Et l'âge est important, ce sont des facteurs encore. Pour qu'elle soit une récidive. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire déjà, même s'il n'y a pas ces éléments, les risques de récidive sont importants. Plus il y a ces éléments, ça veut dire maintenant, et tout le monde se pose la question maintenant, quelle est l'importance du traitement chirurgical après un premier épisode? C'est-à-dire, moi, si par exemple quelqu'un qui vient chez moi pour une luxation récidivale, il est un sportif de compétition, je l'opère au premier truc. Pourquoi? Parce que je ne vais pas risquer chez un sportif et lui casser sa carrière sportive pour rien. Donc je lui fais un traitement chirurgical d'emblée. Maintenant, ça se justifie. Alors que les risques de récidive, alors plus il y a ces éléments, plus il faut y aller réparer tous ces éléments pour essayer, je dis pour essayer, pas de bloquer carrément la récidive, d'essayer. En plus, il faut être un peu méfiant, un peu attentif quand il s'agit d'un sujet qui est drogué au plan de l'Inde. Et encore s'il a un... Eh oui, si c'est un drogué. Donc il prend des meilleures actions de haute gamme, donc automatiquement il va récidiver à tous les coups. Oui. Et quand il y a aussi une instabilité constitutionnelle, il faut faire attention aussi dans le traitement. Quand il y a une instabilité constitutionnelle, il faut pas y aller ce qui est osseux, parce que quand il y a une instabilité constitutionnelle, ça veut dire qu'il y a un relâchement capsulomusculaire et ligamentaire. Donc il faut y aller dans les traitements pour essayer de renforcer ce qui est musculaire. Sinon, vous allez retomber toujours dans le même circuit. Alors. Voilà. Troisième élément qui peut se faire, comme on a dit, il peut y avoir, quand il y a une luxation, donc tout ce qui est musculaire dans la coiffe des rotateurs, et tout ce qui est osseux, donc au niveau de la tête, au niveau de la graine, et au niveau même de l'extrémité supérieure, on peut avoir, et c'est très fréquent, et surtout quand le traumatisme est important, les fractures du trochytère. Et les fractures du trochytère, quand il existe, c'est quoi? C'est quoi les fractures? Ce qu'on appelle le tubercule majeur maintenant, dans la terminologie anglo-saxonne. C'est quoi? C'est une lésion de la coiffe des rotateurs osseux. Tous les muscles de la coiffe des rotateurs s'insèrent dans le dos, sauf le subscapulaire qui s'insère au niveau de la petite tuberosité mineure, donc le trochant. D'accord? Donc, s'il y a des muscles qui vont s'insérer ici, quand il y a une fracture, est-ce qu'elle va consolider? Il y a des muscles qui tirent. Où c'est? Là, vous voyez, c'est un peu de jubel. Donc, ça ne consolidera pas. Donc, vous voyez, s'il y a encore une lésion comme ça, il faut y aller chirurgicalement, de la stabiliser, pour minimiser d'abord une pseudarthrose qui va être douloureuse, parce qu'elle va faire un conflit sous-acromial, et pour essayer d'éviter aussi les récidives. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est ce qu'on appelle tous les éléments de passage de la luxation. Quand elle passe, elle casse. Ou elle ne casse pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle tous les éléments de passage. Donc, vasculaire, nerveuse, musculaire, osseux. Osseux, c'est tous les versants. D'accord? C'est en miroir. Soit la tête, soit la graine, soit l'extrémité. Donc, toutes les surfaces articulaires peuvent être touchées. Alors, tous ces facteurs sont des facteurs de mauvais pronostic. Alors, elle est récidivante même s'il n'y a pas ces lésions. Elle a une fréquence de récidive quand il n'y a pas ces lésions. Alors, quand il y a ces lésions, vous êtes multiplié. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous voyez dans le traitement, l'urgence est une urgence. L'urgence, il faut la réduire en urgence, quelles que soient les lésions. Il ne faut pas la laisser luxer. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des lésions vasculaires nerveuses dues à une compression. Et en même temps, préserver ce qui est cancérigène. Donc on a les deux. Et puis, on a notre bilan pour aller juger du traitement définitif. Est-ce qu'il y a les chirurgicalement, qu'est-ce qu'il faut stabiliser pour minimiser une complication, qui est la seule complication, en dehors bien sûr des raideurs et des capsulites rétractives qui sont dues, qui ne sont pas dues au truc qu'on va les voir, en la rééducation qui n'est pas bien faite, la seule complication de ces luxes, qui est, quand elle est chronique, que du sort du traitement chirurgical. Et ça veut dire, quand on parle de traitement chirurgical, ça ne veut pas dire qu'un traitement chirurgical, c'est toujours facile. Il y a toujours des problèmes aussi. Alors, monsieur, oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez reprendre les lésions de passage, quelles sont-elles ? Alors, les... Hi, ma femme Tichy, la tête, elle est là. Elle se lit. Le plus souvent, on enterre. Quitte Khelch. Donc, elle a un passage comme ça. Donc, elle peut, soit, en sortant ici, elle peut se casser hier, faire une encoche. Elle peut, en sortant, casser la graine. D'accord. Elle peut se casser en sortant le tubercule majeur. D'accord. Elle peut comprimer ou léser un nerf, qui est le plexus brachial, et notamment un nerf. Pourquoi ? Parce qu'il chapeaute directement sur le sous-scapulaire et le tubercule mineur, le trochée. Et elle peut, en sortant, bien sûr, si le traumatisme est violent, de léser une artère. Et là, c'est de là que tu vas faire ta marmite et tu as tous les ingrédients. Yazid chouïa melh, yazid chouïa kmour. Alors, donc, ça, il faut les rechercher. Les rechercher, comment ? C'est surtout maintenant, c'est la radiographie. Alors, la radiographie, attention, c'est ça ce qui est important dans la radiographie. Parce que tout le monde, quand ils ont des luxations ou une épaule comme ça, ils demandent une radiographie de face. Oh, ben ça. Dans la face, elle n'est pas. Il faut toujours une face et un profil. Un profil est obligatoire. Elle est obligatoire. Pourquoi ? Parce que. C'est sur le profil qu'on va dire qu'elle est antérieure ou postérieure, c'est sur le profil qu'on va dérouler tout et on va voir toutes les lésions qu'on peut avoir. Donc, la face, vous savez comment on l'a fait, la plaque elle est là, le rayon est perpendiculaire. Alors les profils, il y a beaucoup de profils. Ça, c'est, il y a beaucoup de profils pour l'épaule, mais chacun a quand même son avantage et son inconvénient. Donc il y a beaucoup de profils. Le profil de gâte ou le profil de l'omoplate ou le profil axillaire. Alors, c'est surtout le profil axillaire qu'il faut faire. Bon. Les profils voyants, vous voyez. Alors, on peut voir toutes les zones. Bon, on a l'axillaire qui est là, c'est-à-dire que la plaque elle est là, le membre est comme ça et le rayon est perpendiculaire au creux axillaire. Et on a les profils, surtout de garde de l'homoplate. Soit le malade, il est surélevé de 45 degrés et le rayon, il est perpendiculaire. Ou bien à l'inverse, on laisse le rayon et c'est le malade qui va tourner de 45 degrés. Donc on aura un profil. C'est-à-dire, si on n'a pas de profil, et c'est pour ça que les luxations, de postérieur passent inaperçues. Parce qu'on a déjà un cas au service, qu'on a discuté qu'est-ce qu'on va lui faire sur le plan chirurgical. Hein, parce que c'est au bout de 10 jours qu'il est venu, ou 15 jours, parce que les gens lui ont fait une face. Et dans la face, il faut être averti, il faut être au moins une expérience importante, parce qu'il y a quelques signes, que tu peux imaginer le signe de la cuvette et le signe de l'ampoule. Ce qu'on appelle, vous voyez la tête en sorte de l'ampoule. Mais c'est pas... Même moi, ça peut me passer une impasse, ça veut pas dire. Donc, si on n'a pas le profil, c'est le profil d'abord qui te dit que la tête, elle est déjà en antérieur ou en postérieur. C'est comme ça, c'est sagittalement qu'on peut avoir que la tête, elle est hack ou hack. C'est pas sur ça. C'est pas sur un plan. C'est sur un plan sagittal qu'on peut avoir. En faisant un sagittal, qu'on va voir la tête. Elle est comme ça ou comme ça. Donc il faut une face et un profil. C'est compris ? Alors. Bon, les techniques de réduction, bon. Les techniques de réduction, c'est très important. Alors, c'est-à-dire une fois que le diagnostic est fait, une fois que l'examen clinique est fait, c'est-à-dire vous allez conclure. Parce que à chaque examen clinique, on doit faire une conclusion. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est l'attitude d'un bon médecin qui va être scientifique, va être bon médecin et qui va avoir un avenir devant lui. C'est-à-dire, quand on examine, on a un malade, il vient, on examine, taf, taf, taf. Il s'agit de monsieur tel qui est âgé de tel, pour une épaule. D'accord? 22 ans, 20 ans, antécédents, pas de prise de tétine, hein? Examen clinique, premier signe, il n'y a pas d'instabilité constitutionnelle. Il faut la mettre en abord et l'examen clinique retrouve un membre en attitude vicieuse, abduction irréductible, coup de hache positif, histoire de polaire, et radiographie, qu'il s'agit d'un malade qui présente une luxation. Alors, s'il a des lésions, dans l'examen clinique et radiologique, c'est une luxation associée à une lésion soit nerveuse, soit vasculaire, soit osseuse. La conduite, qu'est-ce qu'on va faire? Premier geste, il faut la réduire. Il faut la réduire, quelles que soient les lésions qui existent. Pourquoi? Parce que en réduisant, on va éviter peut-être déjà des choses graves. Et puis, on prendra la décision en fonction de tous ces facteurs vers un traitement qui va être que orthopédique, qui est le meilleur, parce qu'à chaque geste chirurgical, il y a quand même quelques problèmes, ou bien on va vers, on associera vers des trucs. Donc, la réduction, c'est toujours sous anesthésie générale ou sous bloc. Hein. C'est-à-dire, pourquoi? C'est-à-dire, si on fait un jambar, si la tête, en passe, on n'a pas cassé, on risque de casser au retour. Amen. C'est-à-dire, la violence, parce que contre le malade, d'abord, sans anesthésie, il va avoir mal. Et la douleur, il va se défendre et il peut mourir. Attention. Ouais. Attention, parce que ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et c'est, ça s'est arrivé. Il faut pas vous addicter. Sauf dans la addicter les instabilités chroniques. Mais j'ai dit que les D'accord. Voilà. Mais quand il y a une luxation fraîche, d'abord, l'anesthésie, c'est pour éviter d'abord le choc. Et deuxièmement, il faut avoir un relâchement pour ne pas créer d'autres lésions que la luxation n'a pas créées ou d'aggraver les lésions. Parce que quand il y a une fracture du tubercule majeur, vous voyez qu'il reste un peu au niveau. Et en faisant un truc, on risque de casser le col. Et ça va encore aggraver le problème et on risque d'aller vers une prothèse. D'accord. Donc, le relâchement, d'abord, ça te permet de réduire facilement. Et deuxièmement, ça minimise les risques d'aggraver les situations. Alors, comment on fait? Alors, on va, parce que la tête, elle est là, donc on va tracter en relâchant, donc on va essayer de tirer un peu la tête, et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut deux, il ne faut jamais un qui réduit. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui tient et quelqu'un qui réduit, c'est-à-dire, il va prendre la tête dans sa main. C'est, il faut la prendre, il faut la chérir, la mettre tout doucement. C'est-à-dire, lui, il va la mettre en face de la glaine, il fait le sens inverse du mécanisme, donc une petite adduction, une rotation interne, et le deuxième, c'est celui qui réduit, il remet la tête et vous entendez un petit clac. Est-ce que vous comprenez? Non? Il faut pas, il n'y a pas de force en orthopédie. Il faut que les orthopédies disent, non, monsieur. Quand vous voyez des gens qui tirent, il faut se méfier d'eux. Ça veut dire qu'ils ne font pas leur travail. Alors, et de là, qu'est-ce qu'on va avoir? On risque d'avoir des complications à la réduction. C'est-à-dire, la première complication, c'est quoi? D'abord, l'irréductibilité. C'est-à-dire, en la mettant, on ne veut pas se réduire. Parce que c'est la première complication. S'il y a une irréductibilité, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui empêche la tête de se mettre dans la glaire. Il y a une interposition, soit capsulaire, soit musculaire. D'accord. Et, bien sûr, à la langue, c'est la récidive. C'est-à-dire, elle peut, au moment qu'on va l'immobiliser, comment on va l'immobiliser, il faut toujours l'immobiliser en rotation. Et c'est pas, je ne vais pas vous embrouiller un tout petit peu sur la position de rotation, parce que maintenant il y a des études, parce que maintenant l'imagerie est très importante, parce qu'on est dans le boom de l'imagerie avec l'IRM, l'atro-IRM, et maintenant les Américains, comme ils sont un peu toujours précurseurs dans les recherches, parce qu'ils sont bien gâtés. C'est pas qu'ils ont beaucoup de trucs, mais ils sont bien gâtés. Et maintenant, ils se posent la question dans l'immobilisation, parce qu'il y a beaucoup maintenant qui la mettent en rotation externe. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est vrai que quand il y a des lésions de la coiffe des rotateurs, les rotateurs se cicatrisent beaucoup mieux en rotation externe qu'en rotation interne. Et là, mais toujours, nous, on reste dans la mobilité en rotation interne. Combien de temps? Combien de temps? Il faut au moins 3 semaines. 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Parce qu'entre 3 semaines et 4 semaines, c'est la période de cicatrisation capsulaire. Capsulaire, qui est un des éléments. Et maintenant, on peut avoir, bien sûr, on les immobilise en rotation interne. Rotation interne, parce que quand je dis rotation interne, c'est dans cette position. Les moyens, vous mettez ce que vous voulez. L'essentiel, que la membre soit comme ça. C'est-à-dire, vous mettez un bandage, vous mettez des ceintures, l'essentiel qu'elle soit en rotation interne. Est-ce que vous comprenez? Le problème ne se pose pas dans l'immobilisation. L'immobilisation, c'est ça. Il peut le mettre, pas de problème. L'essentiel, c'est que ça ne bouge pas dans ce sens. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ça, c'est des immobilisations de commerce, c'est le confort, c'est l'esthétique, c'est tout. On peut mettre n'importe quoi. Bon. Alors, les complications lointaines, c'est-à-dire les complications après l'immobilisation, c'est les capsules rétractiles, parce que quand on est dans cette position, et c'est pour ça que les gens préfèrent un peu comme ça, parce que ça risque d'entraîner des douleurs, mais une bonne rééducation peut améliorer les choses. Les risques, c'est les récidives, c'est le traitement chirurgical. Voilà. Merci pour cette première conférence. On y va pour la deuxième conférence. Oh, assez long, assez long, assez long.